Si on... C'est quand tu restes, t'as des fils qui te parlent. C'est inverse. Pourquoi c'est moi qui prends tout le son? Ça va. Ça me casse. Armstrong, je ne suis pas noir. T'as appuyé sur mon fils, c'est une faille. Ouais. Mon casque il descend. Il est un peu trop grand, mais c'est pas grave. Voilà. Attends. Quand moi je fais bien. Attends, on va juste jouer avec lui un petit peu.